Ashrat al-Sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps, qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. Faqad kafara bil Qur'an. Idha ash-shamsu kuwirat, wa idha an-nujumu kabarat, wa idha al-jibalu suyirat, wa idha al-isharu uttilat, wa idha al-wuhushu hushirat. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, نواصل بإذن الله عز وجل مع هذه السلسلة المباركة ألا وهي أشراط الساعة. On continue avec cette série de cours concernant les signes de la fin des temps. Wabillahi tawfiq. On s'était arrêté la semaine dernière, ou il y a deux semaines, avec ce signe qui fait partie des signes de la fin des temps, et bien sûr les petits signes de la fin des temps, qui est al-amana, ou qui concerne al-amana, le dépôt. Si la personne veut suivre un cours concernant les titres des signes de la fin des temps, ceci est très facile. Il lui suffit ici de prendre un livre, soit en arabe ou soit en français, concernant Ashrat al-Sa'a, et ici il va directement au lexique et il verra tous les signes de la fin des temps résumés, réunis par Ahlul Ilm, par Ahlul Dhikr, par Ahlul Khayr, les petits et les grands signes de la fin des temps. Walakin, ça c'est pas du tout notre but ici, à travers ces séries de cours. Ici il nous faudrait 5 minutes ou au pire, ou au plus 10 minutes pour résumer le titre de tous les signes de la fin des temps. Walakin, notre but à travers cette série de cours, c'est de comprendre bien comme il se doit, ici, avec la compréhension des ancêtres pieux, avec les preuves tirées du Coran et de la Sunna, chaque signe faisant partie des signes de la fin des temps. Et quand on parle des signes de la fin des temps, c'est les petits signes et les grands signes de la fin des temps. Parmi les signes de la fin des temps, il y a al-amana, il y a le dépôt. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière sur le dépôt? On avait dit que le dépôt, ayu al-ikhwatu wal-akhawat, les cieux, la terre et les montagnes n'ont pas voulu prendre cette charge, qui est al-amana. Et on a vu cela ici dans le Coran al-Karim, quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, وَبَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu dans les détails au dernier cours, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que ici il a été proposé ici al-amana, le dépôt, ici non seulement aux cieux mais à la terre mais aux montagnes. Ils en ont eu peur. Ils n'ont pas voulu prendre cette responsabilité. Walakin, qui l'a pris? Al-insan. Innahu kana zaluman jahula. On a parlé longuement de l'amana. Et on a dit que l'amana, c'était l'opposé de quoi? La trahison. Al-khiyana. On avait dit que l'amana, c'était l'opposé de la trahison. De façon générale, l'amana est définie par les gens de science comme étant al-fara'id. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il dit al-amana, c'est quoi al-fara'id? C'est les actes obligatoires, les obligations. Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a, quand il parle de l'amana, il dit quoi? Al-amana hiya ad-din, fad-dinu kulluhu amana. Il dit al-amana, le dépôt, c'est la religion. La religion tout entière est un dépôt. La religion tout entière est un dépôt. Ceci veut dire que as-salah, c'est une amana. La prière, c'est un dépôt. Az-zakat, c'est un dépôt. Ici, le hajj, c'est un dépôt. Al-umra, c'est un dépôt. Ala kulli hal, toute la religion est un dépôt, comme on dit les gens de science. Walakin, ici, on va rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails concernant al-amana et on va parler de certaines branches concernant al-amana, si on prend al-amana dans sa définition générale. D'accord? On avait dit que al-amana peut vouloir dire, et ça dépend du contexte, ça dépend du texte. D'accord? Ça peut vouloir dire la loyauté. Ça peut vouloir dire ici la responsabilité. D'accord? Ça dépend du contexte, ça dépend du texte, du hadith, du nas, D'accord? Ça dépend. Walakin, de façon générale, al-amana, comme on l'a dit, c'est la religion, c'est les actes obligatoires. Maintenant, à titre d'exemple, on a le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'on avait cité aussi lors du dernier cours, où un arabi, un bédouin, est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Faqal, ya Rasulallah, mata sa'a, ô messager d'Allah, à quand l'heure? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, idha duyi'ati l'amana, fantadir sa'a. Si, ici tu vois le dépôt, ah là on parle du dépôt, voilà qu'on va voir la précision, d'accord? De quel type de dépôt le prophète alayhi salatu wassalam parle? Si tu vois ici avec une traduction approximative, quand tu vois le dépôt qui ne sera plus respecté, disparaître, négligé, attends l'heure. Et on voit ici de quel type de dépôt le prophète alayhi salatu wassalam parle à la suite du hadith. Quand il dit, en quoi consiste sa disparition? Ils l'ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit, en quoi consiste sa disparition? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand l'autorité, c'est-à-dire ici le dépôt dans ce hadith, on parle de quoi? De la responsabilité. Le dépôt ici, c'est la responsabilité. Ça dépend du texte et du contexte, on a dit. Là, dans ce contexte-là, dans ce texte, on voit que l'amana, c'est quoi? La responsabilité. Et le prophète lui a répondu en lui disant, quand la responsabilité sera octroyée à celui qui n'en est pas digne, à ce moment-là, attends l'heure. Fantadir as-sa'a. On est d'accord. On continue ici. On avait bien parlé dans les détails de la responsabilité qui a été négligé, et particulièrement à notre époque. On en a déjà assez parlé longuement. À titre d'exemple, concernant al-amana, donc avec précision en rentrant dans les détails. Al-amana, quelquefois, elle veut dire aussi l'engagement. Elle veut dire l'engagement. L'engagement est un dépôt. On a dit que ad-din kulluh kama qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala amana, c'est un dépôt, toute la religion. Donc ici l'engagement, d'accord, l'engagement, ça fait partie de la religion. Al-amana, ça veut dire quelquefois l'engagement, comme disent les gens de science. Et pourquoi pas, alors qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de respecter les engagements dans le Coran al-Karim. Awfu bil-uqud. À titre d'exemple, Allah Azza wa Jal dit, remplissez fidèlement ici vos engagements. L'engagement est un dépôt. Et comment ne pas dire que l'engagement est un dépôt, alors que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé ici que le fait de trahir ses engagements, de manquer à sa promesse, ceci fait partie des signes de l'hypocrite. Ça fait partie des signes de l'hypocrite pour montrer la gravité du délaissement de ce dépôt concernant ici l'engagement. Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de l'engagement. Dans deux hadiths, on peut voir les signes de l'hypocrite. Et quand on réunit ces deux hadiths, on retrouve 5 critères de l'hypocrite. 5 critères de l'hypocrite. Dans le premier hadith, il est rapporté par Muslim, dans le deuxième hadith, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain. Si on réunit les deux hadiths, on voit 5 critères de l'hypocrite. Parmi ces critères de l'hypocrite, il y a, ou plutôt, citons tous les critères de l'hypocrite, les 5. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, idha wa'ada akhlaf. Ah. Quand il promet, il ne tient pas à sa promesse. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Ça, c'est un critère de l'hypocrite. Tout en sachant que Allah Jalla Jalaluhu a dit dans le Coran al-Karim, innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar wal 'iyadhu billah. Alors qu'Allah dit dans le Coran concernant l'hypocrite, et il rappelle que l'hypocrite est pire que le mécréant. L'hypocrite est pire que le kafir. La preuve, ad-dalil 'ala dhalik, innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Les hypocrites sont dans quoi? Dans le degré le plus bas de l'enfer. Mais là, on parle de la grande hypocrisie, wal'iyadu billah, qui fait sortir de l'islam. Là, celui qui a un de ces critères, il n'est pas tombé dans la grande hypocrisie. Walakin, on va dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que quoi? Quelle honte. Il ressemble à un hypocrite. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu ressembles à un hypocrite dont Allah Azza wa Jal a parlé dans le Coran al-Karim quand il dit « Innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar wal-'iyadhu billah ». Donc il ressemble à un hypocrite. Avoir un critère de l'hypocrite, ça veut dire que tu te rapproches de la grande hypocrisie wal-'iyadhu billah. Tu n'es pas sorti de l'islam, pas du tout. Walakin, tu commences ou du moins tu as pris le chemin de la grande hypocrisie wal-'iyadhu billah. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Quand il promet, il manque à sa promesse. Wallahi, je ferai cette chose. Wallahi, j'irai voir un tel. Wallahi, je viendrai à tel. Wallahi, je te ferai ça. Wallahi, je te rendrai ce service. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفُ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Des choses que la communauté a négligées et des choses qui sont gravissimes. Ça, c'est pas des choses يعني, à prendre à la légère. C'est grave. Le prophète a dit c'est un critère de l'hypocrite. إِذَا وَعَدَ أَخْلَفُ. Deuxième des choses, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit إِذَا أَتُمِنَ خَانٌ. Ah, quand on lui fait confiance, qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui fait confiance, il trahit وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ الْخِيَانَ. Et on a dit quoi? La trahison, c'est l'opposé de quoi? الأمانة. Ah, c'est l'opposé de l'amana, la trahison. D'accord? Le dépôt, maintenir le dépôt. D'accord? C'est l'opposé de quoi? De trahir, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, la trahison. Et le prophète عليه الصلاة والسلام dit إِذَا أَتُمِنَ خَانٌ, critère de l'hypocrite. Quand on, ici, on lui fait confiance, il trahit وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Parmi les signes de l'hypocrite, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit إِذَا خَسَمَ فَجَرٌ. Quand il se dispute, il y a la colère qui vient, فَجَرٌ. Il perd toute moralité. Il perd sa religion, il perd sa moralité, il perd tout, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et il dit des insultes, Allahul Musta'an. C'est-à-dire que il a pris la religion comme un vêtement. Il se met en colère, il prend ce vêtement, il l'ôte, et khlas, il parle avec quoi? Ses passions et ses plaisirs, et etc. Walakin, plus avec la religion. إِذَا خَسَمَ فَجَرُ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Critère de l'hypocrite. Et si un de nous a un critère de l'hypocrite, on ne va pas lui dire khlas, t'es voué en enfer, khalidina fiha, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Non, à toi de te réformer. À toi de te réformer. Et là, on est ici pour apprendre et pour se réformer. Personne n'est parfait. Walakin, si tu apprends pas, comment tu veux savoir que tu as tel ou tel défaut? Tu ne pourras pas savoir. Comment tu veux te réformer quand tu ne sais pas que tu as tel et tel défaut? L'importance de quoi? Al-ilm. Et la gravité de s'éloigner de quoi? Al-ilm. Bien plus que cela, le délaissement de la science, ça fait partie de Ashratu Sa'a, et c'est le prochain signe qu'on va traiter, Inch'Allah Ta'ala. إِذَا خَسَمَ فَجَرٌ. Continuez avec moi, parmi les signes de l'hypocrite, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit quoi? إِذَا عَاهَدَ غَدَرٌ. C'est-à-dire ici, quand il fait un pacte, il rompt le pacte, il ne respecte pas le pacte. Et ça, c'est les critères de l'hypocrite, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Quelqu'un va nous dire, oui, mais même avec les kuffars, avec les non-musulmans, avec les juifs, avec les chrétiens, na'am. Même avec les juifs, même avec les chrétiens, même avec les non-musulmans, ya Abdallah, tu dois respecter ton engagement, le pacte, quand il y a un pacte. Quand il y a un pacte, khalas. Un engagement, tu dois le respecter. Quand tu promets, tu assumes tes responsabilités. À titre d'exemple, dans Sahih, le prophète, alayhi salatu wassalam, comment a-t-il réagi avec Hudhayfa, radiyallahu anhu, wa arda, et son père? Alors que ici il devait participer à une bataille, al-jihad fi sabilillah azza wa jal fi ahdihi alayhi salatu wassalam. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Ici Hudhayfa a été arrêté par ceux qui devaient combattre le prophète alayhi salatu wassalam, les ennemis de l'islam, les ennemis du prophète à l'époque du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, alors que le prophète avait cette lourde responsabilité de quoi? De les combattre et de transmettre cette religion. Quand ils ont été attrapés, ils leur ont donné une condition, un règlement, un engagement. On veut prendre un engagement de vous. C'était des kofars, des associateurs. Plus que cela, qui allaient combattre directement la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont dit une condition. On te relâche, on vous relâche, walakin, quand vous allez rencontrer Mohammed alayhi salatu wassalam, vous prenez l'engagement. C'est un pacte ici aussi, si tu veux. Vous prenez l'engagement de ne pas participer avec lui lors de cette bataille. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit khlas, on accepte un engagement avec des associateurs qui allaient combattre le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont relâché Hudhayfa radiyallahu anhu wa arda, ils les ont relâchés quand il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète leur a interrogé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont dit khlas, ils nous ont donné comme condition qu'on ne participe pas avec toi dans la bataille contre eux. Le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il lui a dit khlas, c'est des kuffars, c'est des associateurs. Comment ça on va assumer cette khlas, on doit les tuer. C'est des mouchriks. Bien plus que ça, ils font le plus grand des péchés sur la surface de la terre, ash-shirku billah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a rappelé que nous les musulmans, on trahit pas les engagements. Quand on promet, on assume. On n'est pas hypocrite, bien plus qu'on n'a même pas les critères de l'hypocrite, wal iyadu billah. Il dit khlas, tu assumes, tu participeras pas avec nous. Ça c'est l'islam. Donc ne mélange pas tout, il y a des règles, ne mélange pas tout. Ne dis pas, oui mais maintenant c'est des kuffars, oui mais maintenant, c'est pas comme tu veux, c'est comme Allah veut, c'est comme le prophète alayhi salatu wassalam veut, c'est, il y a des règles. Tu dois suivre ces règles, tu dois être éduqué. Et l'éducateur ici, c'est qui? Mohammed alayhi salatu wassalam, qui nous a tout transmis à Ayyuhal Ahbab, et c'est lui qui ne parlait pas poussé par sa passion, mais ce n'était qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Hakadha l'islam. C'est comme ça l'islam. C'est une religion transparente, claire, propre, juste, équitable. Et pas de trompeur wal iyadhu billah. Ça, c'est les critères de l'hypocrite. Et ça nous rappelle que quoi, ayyuhal ahibba, l'engagement, c'est une amana. La promesse, c'est une amana. Quand tu t'engages dans un pacte, c'est un dépôt que tu as entre les mains. Et comme on a dit plusieurs fois, le dépôt, c'est pas simplement je te donne 100 euros, tu les gardes, et c'est un dépôt. Ça, ça fait partie des branches de l'amana, quand on parle de l'amana dans sa définition générale, c'est-à-dire, comme a dit Hassan al-Basri, ad-din kulluhu amana. La religion tout entière est un dépôt. Ou comme a dit par exemple, à titre d'exemple aussi, et ça reste dans le même contexte, Abdullah ibn Abbas, al-amana c'est quoi? Al-fara'id, les actes obligatoires. Ici, il y a convergence, il n'y a pas de problème ici, et les deux explications sont bonnes et convergent. Ça, c'est l'islam ayyuhal ahibba, c'est pour ça qu'on dit attention. L'engagement, c'est un dépôt. Quand tu t'engages, quand tu promets, ne ressens pas à l'hypocrite wal iyadhu billah. Assume tes engagements, sache que c'est un dépôt et rappelle-toi toujours concernant les dépôts qu'au jour de la résurrection qui durera 50 000 ans, la dernière des épreuves ou parmi les dernières des épreuves et la plus dure ou parmi les plus dures des étapes du jour de la résurrection, as-sirat. Si tu le traverses, tu es sain et sauf, tu vas au paradis bi-idhnillahi azza wa jal. Et ici à droite et à gauche de sirat, il y aura quoi? Quoi? Al-amana. Les dépôts qui vont demander leurs droits. Et de l'autre côté de sirat, il y aura quoi? Les liens familiaux. Subhanallah, les liens familiaux qui vont demander. Regardez la dernière étape. Pour que l'insan se rappelle de jour comme de nuit, quand il a une amana, et on a tous quelque part une amana, de jour comme de nuit entre les mains, on rendra des comptes sur cette amana. Donc quand tu parles, sois juste. Parle avec droiture. Je te promets, assume. Je m'engage, assume. Je m'engage dans ce pacte, assume. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Regardez, l'islam c'est une religion de droiture. Toujours équitable, transparence. Équité, justice, droiture et pas d'hypocrisie. Wal iyadhu billah. Tu assumes. À l'époque de l'jahiliya, ici on ne dit pas al-arab, c'est les bédouins. Al-arab, les arabes, ils étaient réputés pour être quoi? Des hommes. Réputés pour être des gens, quand ils donnaient leur promesse, ils donnaient une parole, ils allaient jusque la mort. Ils maintenaient, ils savaient même pas l'islam. Ils étaient dans le paganisme. Ils réagissaient quelquefois comme des animaux, wal iyadhu billah, à travers l'alcool, ils enterraient leurs filles vivantes, etc., etc. Mais avec cela, quand ils donnaient une parole, c'était une parole. C'était des hommes. Au jour où nous, on a cette grande amana, l'islam, al-Qur'an wa sunnah bi fahmi salaf al-umma, et chez beaucoup de gens, illa man rahim Allah, parmi la communauté du prophète alayhi salatu wa salam, al-amana c'est devenu un jeu. Même une branche de al-amana, quand on prend al-amana dans sa définition générale, c'est devenu un jeu. À titre d'exemple, l'engagement, promesse. Et c'est comme un jeu. Ah oui, j'ai promis, smahliya, Allah idini. Ah oui, je me suis engagé, wa Allah idina, inshallah, je vais faire des efforts. Et on rigole avec ça. Et de jour comme de nuit, il continue à persister dans cet égarement. Et de jour comme de nuit, il ne cesse de ressembler à qui? Aux hypocrites qu'Allah a dit dans le Coran al-Karim sur eux. Innal munafiqina fi dark al-asfali min an-nar, wal-iyadu billah. À titre d'exemple, un secret. Je donne des exemples ici. Al-amana, c'est très vaste, on l'a dit. Et les branches, il y en a plusieurs. Mais je cite parmi les branches les plus importantes concernant al-amana, qui font partie de l'amana. On a dit, ça dépend des contextes. Un secret, c'est une amana. Et combien de gens trahissent? Ah, on dit quoi? Quand quelqu'un te donne un secret. Et toi, tu vas répéter ce secret à une personne à qui tu ne devais pas répéter ce secret. Ça s'appelle comment? La trahison. On a dit, al-amana, l'opposé de l'amana, c'est quoi? La trahison. Voilà, tu veux connaître l'amana? Quand tu trahis, sache que tu t'es opposé à quoi? À al-amana, le dépôt. On te donne un secret, ya Abdullah. Toi, ma soeur, ya Ourtil Karim, on te donne un secret. Est-ce que c'est pour le répéter à tout le monde? Ou bien une personne se confie à toi? Ah, il se confie à toi. Khalas. Il se confie à toi, quelque part, c'est un secret. Oui ou non? Oui. Il se confie à toi, j'ai des problèmes avec un tel, ou j'ai ceci, ou j'ai cela. Toi, tu prends, ici, le fait ou ses paroles, et tu vas les répéter à n'importe qui. Est-ce qu'il y a une trahison ici ou pas? Naam. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, concernant les critères de l'hypocrité, le hadith il est rapporté par muslim, wa idha tumina khan. Et quand on lui confie, il trahit. Là, on t'a confié des paroles, on t'a confié des secrets, on t'a confié des choses. À toi, tu les trahis, tu vas les répéter à tout le monde. C'est une amana. Tu rendras des comptes à Abdallah et n'oublie pas cette parole, comme a dit alayhi salatu wassalam, même si le hadith il est faible, je le répète encore une fois, min babi al-amana al-ilmiya ici, mais min haythul ma'na fa huwa qawi, comme on dit les gens de science. Kama tadinu, tudan, t'étonnes pas si un jour on te le fait la même chose. Toi, tu vas te confier à une personne, tu vas parler à une personne et il va le répéter à tout le monde, wal'ayyadu billah, comme il y a des gens. Allô, salam alaykoum, et la personne se confie, ou la sœur se confie, ou le frère se confie, à peine il raccroche, tu, allô? Ouais, mais par contre, tu répètes à personne, c'est un secret. Walakin, tu le dis à personne, toi. Khalas, c'est une amana. Khalas, déjà, il l'a trahi, il dit au frère, d'accord, je le répète, bla, bla, bla, bla. Et après, la troisième personne, je vais dire un truc, mais c'est une amana. Tu me help, tu répètes à personne. Ouais, d'accord, bla, bla, bla. Et c'est pour ça, on a eu cette appellation, comment on appelle ça? Téléphone arabe, mashallah. La communauté de qui? Mohammed alayhi salatu wassalam. Elle a hérité de ses proverbes. Voilà qu'ici, ces proverbes, ils ont une origine, ayyuhal ahibba. Et cette origine n'est autre que quoi? Notre délaissement des principes religieux. Notre négligence quant à l'apprentissage et la bonne compréhension de la religion. On a joué avec la religion, on a négligé la religion, et des choses qui nous paraissent pour nous insignifiantes, on a oublié qu'auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est énorme. Comme Allah a dit dans le Coran al-Karim, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم. Vous pensez que c'est insignifiant alors qu'auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est énorme. Ce n'est pas un jeu. Une amana, c'est une amana. On te la donne, garde-la, meurs avec et Abdallah. Sauf dans certains cas. Il y a certains cas où des gens de science, al-hukama, des gens sages, qui ont une certaine perspicacité, ici, une certaine clairvoyance, ils savent qu'il y a un intérêt de transmettre cette information parce qu'il n'y a pas le choix, pour éviter un grand mal. D'accord? Parce qu'ici, il y a un grand intérêt général. Voilà, ce n'est pas n'importe qui à jouer. Oui, mais je dis ça parce qu'il y a un intérêt. Oui, il y a un intérêt. Tu répètes ça à une personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer la situation? Non. Elle peut éviter un grand mal? Non, elle peut rien faire, si ce n'est que dire, ouais, c'est vrai, c'est grave, Subhanallah. Où sommes-nous par rapport aux hadiths du prophète qu'on répète jour et nuit? Min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie du bel islam, c'est de délaisser ce qui ne te regarde pas. Wallahi al-azim que ça, c'est une éducation que doit avoir la communauté. Comme je le dis souvent. À titre d'exemple, on arrive à un stade où, quand les gens sortent de khutbatul jumu'a, à titre d'exemple, je dis pas ici, mais ça arrive, au lieu que le mari rentre chez lui, et dit, ya zaoujati, taqaddam, ici avance, on va parler un peu de ce qui s'est dit aujourd'hui. Ou même si la femme a participé, on rentre un peu dans le niqash, et on parle, à ton avis c'est quoi? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que ça c'est bon? Non! T'as pas vu l'imam? Ah, il a mis une rotra de telle couleur aujourd'hui. Et l'imam, t'as vu un moment, il a glissé, ah, il y a un truc qui est tombé de sa poche, ah, il a toussé bizarrement, ah, il a failli tomber, ah, il a... Et combien de fois on a entendu des échos comme ça? Au lieu de se concentrer dans le contenu du sermon, non, on se concentre dans l'apparence. Tel vêtement, telle couleur, telle chose, il a toussé, il a éternué. Subhanallah. Est-ce que ça regarde la femme, ou ça regarde l'homme, ou ça regarde je ne sais qui encore? Ça, c'est des détails. Concentre-toi dans ce qu'il y a de plus important. Les blablabla, les futilités. وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Allah Azza wa Jalla, il parle de qui? Des croyants ou des égarés quand il dit ça? Il s'écarte des futilités. Il parle des croyants, des vertueux, des pieux, des gens sincères, des musulmans, ceux qui ont compris cette religion. وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Il s'écarte de toute futilité. Il y a un intérêt que tu dis ça? Non, tais-toi. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَصْمُتْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise bien ou qu'il se taise. C'est pas des hadiths pour décorer. Il faut qu'on vive avec ces hadiths. Et ça, j'enjoins ma propre personne avant tout. Car on glisse tous. On est tous amenés à glisser. On va pas jouer les gens pieux en disant, moi je tombe jamais. Moi je suis toujours, yani, mashallah, un comportement irréprochable. Moi, tout ce qui concerne l'amana, je l'ai jamais trahi. On a tous des faiblesses. Voilà qu'il en est là pour se réformer. Pour s'éduquer. Et pour avancer de mieux en mieux dans la religion. Et pas reculer, c'est ça le but. Amma, si tu vois que dans ta vie, tu ne cesses que de reculer, ou alors tu stagnes pendant 30 ans, wal'iyadu billah, t'as toujours rien appris, t'as pas changé ton comportement, tu t'es pas réformé, billahi alayk, à quoi te sert ta prière? À quoi te sert ta prière? Alors qu'Allah Azza wa Jalla, il parle de cette amana, la prière, et il dit quoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle éloigne la personne de quoi? Elle préserve la personne de quoi? De la turpitude et du blâmable. Voilà, qu'une si tu pries pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ton comportement ne change pas. Billahi alayk. À quoi te sert cette prière? À quoi te sert toutes ces exhortations que t'entends de jour comme de nuit? C'est pour ça, nous disons, ayyuhal ahibba, cette religion, c'est pas une religion de blabla, tout simplement. On parle, mais on doit appliquer. Et quand on entend, on doit comprendre et appliquer ce qu'on entend. C'est ça le but. Comme dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, comme le prophète alayhi salatu wasalam parle de Asharatu Sa'a, il dit quoi? Il rajoute une chose et il dit quoi alayhi salatu wasalam? وَيَنْقُسُ الْعَمَلِ. L'action, les œuvres vont diminuer. Subhanallah. Ça c'est parmi les signes de la fin des temps et on va voir ça dans le fait ou dans ce signe qui concerne Al-Ilm. Quand la science va diminuer malheureusement et l'ignorance va l'emporter. Est-ce qu'il n'y aura plus du tout de science? Abadan. Il y aura toujours la science bi'idnillah azza wa jalla. Est-ce qu'il y aura plus de gens de science? Abadan. Il y aura des gens de science. Mais l'ignorance va l'emporter comme l'a dit Ibn Hajar dans Fathul Bari, comme on va le voir dans les détails bi'idnillah azza wa jalla. Donc ici le prophète il a dit quoi? Yanqusu al-amal. Les actions vont diminuer. Les œuvres vont se faire rares. Et c'est ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Illa man rahim Allah. Sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Il s'accroche à l'application. Il entend. Sami'na wa ata'na. Voilà qui nous maintenant. Quand on entend, peu d'entre nous appliquent. Même plus que cela, on rentre dans quoi? Kathratu su'al. Dans quoi? L'excès de questions. Oui, mais je crois, je vois, je ceci, je cela, et le sami'na wa ata'na, il est où? Ah, c'était pour l'époque. Combien de gens, quand tu lui dis, qala Allah, qala Rasul, oui, mais, ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Et qu'est-ce que tu fais du verset où Allah, il dit, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin, idha qada Allah wa rasuluhu amran, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Qu'est-ce que tu fais de ces versets? Allah a dit, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, sami'na wa ata'na. Allah l'a ordonné quand il dit, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa ulil amri minkum. Et ceux qui détiennent le commandement, les gens de science, ils ont dit qui? C'est les gouverneurs et les gens de, et les savants, les gens de science. Quand ils disent une chose, sami'na wa ata'na ya Abdallah, tu n'as pas rentré dans les détails. Le secret, c'est une amana. Toi, akhil habib, toi, ukhti al-karima, si tu as trahi des secrets, si tu, on t'a fait confiance, tu as trahi cette confiance, tubil Allah azza wa jal. Repends-toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on te donne un secret, meurs avec ce secret, ya Abdallah. Sauf dans certains cas, et ce n'est pas donné à tout le monde à faire son ishtihad, où il y avait un intérêt de maslahaj. Non. Il y a certains cas où il faut, ici, dévoiler ce secret à certaines personnes pour éviter un grand mal. À titre d'exemple, al-mar'ah, c'est une amana. La femme, c'est un dépôt. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Allah le prophète عليه السلام l'a dit dans le hadith très connu, vous êtes tous responsables, vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Et toi, tu es responsable de ton foyer, Abdallah, c'est-à-dire des gens qui sont dans ton foyer. C'est toi le principal responsable. Ça ne doit pas être simplement une fierté, mais au contraire, c'est une responsabilité en plus. Donc tu dois te dire, quand tu vois ton épouse, c'est une amana, c'est un dépôt. Donc je n'ai pas le droit de trahir ce dépôt. C'est-à-dire, je ne fais pas ce que je veux avec ma femme. Je ne l'éduque pas comme je veux. Je ne la laisse pas faire ce qu'elle veut. Je ne la laisse pas s'égarer. Mais je suis là pour la soutenir. C'est-à-dire que le principal droit qu'a la femme sur son mari, je lui donne, et c'est quoi? Al-ilm, la science. La religion, ad-din. Je l'aide, je suis un soutien pour elle. Pour avancer dans sa religion. Et seule la femme pieuse. Seule, fawarabbi al-ka'ba. La femme qui a une bonne compréhension de la religion. Simplement cela. Seule la femme vertueuse aura compris que le principal droit, bien plus que cela, elle-même elle le dira. Le principal droit, et elle-même elle en sera fière de le dire. Le principal droit, et le premier droit, et le droit le plus important que j'ai sur son mari, c'est qu'il m'aide dans ma religion. Mais j'ai dit, c'est simplement quelle femme qui dira ça? فَوَرَبِّ الْكَعْبَ. Seule la femme vertueuse et pieuse et qui aura une bonne compréhension de la religion. Pourquoi? Parce qu'Allah جَلَّ جَلَالُهُ a dit dans le Coran al-Karim, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah a dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Elle aura compris que le but, الْغَايَةُ مِنَ الْعِبَادَةِ, c'est quoi? Le but de la création, plutôt, c'est الْعِبَادَةِ. C'est l'adoration. Allah nous a créé pour l'adorer. Donc elle cherche la satisfaction d'Allah. Si elle est sincère, elle cherche à qui? À satisfaire qui? Allah Azza wa Jal. Donc à ce moment-là, elle va dire, khlas, j'ai un mari ici qui me soutient dans la religion. J'ai la principale des choses et elle en sera fière. Mais seule la femme vertueuse qui est sincère envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Amma l'autre femme, je ne dis pas qu'il n'a aucun bien, mais qui a moins de compréhension, moins de piété, qu'est-ce qu'elle va dire? Mon premier droit, c'est ceci, c'est cela. Même si c'est vrai, c'est ses droits. C'est ceci, c'est cela. Et ensuite, elle dira, oui, et c'est que tu me soutiennes dans la religion. Voilà qu'une la vraie femme vertueuse et pieuse, et ce n'est pas pour rien qu'Allah a fait l'éloge de la femme vertueuse dans Sahih Muslim quand il a dit « Ad-dunya mata' wa khayru mata' ad-dunya al-mar'atu as-salihah ». La vie d'ici-bas n'est que jouissance, et la meilleure de ces jouissances, c'est quoi? La femme vertueuse. La femme vertueuse, elle te dira, le plus important des droits que j'ai envers mon mari, c'est la religion, c'est qu'il me soutienne dans la religion, c'est qu'il m'aide à avancer dans la religion. Et wallahi al-adim, si elle a un mari qui l'aide et qui la soutient dans sa religion, wallahi al-adim, qu'elle sera satisfaite quoi qu'il arrive. Même s'il y a des défauts chez son mari, même s'il y a quoi que ce soit, elle va dire, alhamdoulilah, la principale des choses dont beaucoup de femmes rêveraient avoir, moi je l'ai. Combien de femmes, ayol ahibba, on entend par téléphone, et j'entends particulièrement par téléphone. Wallahi al-adim, combien? Ce n'est pas des dizaines, c'est des centaines. Et je parle simplement dans les pays comme la France, Belgique, etc. qui, quand ils appellent, ils te disent quoi? Wallahi, je mets le djilbab. Wallahi, je fais mes prières. Wallahi, je m'accroche à ma religion. Wallahi, je préserve mon foyer. Walakin, est-ce que je dois patienter ou pas? Pourquoi? Mon mari rentre, il escrème. Mon mari rentre, il me frappe. Mon mari rentre, il me trompe. Mon mari, et malgré ça, elle a peur. Wallahi al-adim, elle dit, est-ce que je désobéis à Allah si je refuse d'avoir des rapports avec lui alors qu'il rentre ivre? Est-ce que je mérite le châtiment d'Allah si je me laisse pas faire quand il me frappe? Est-ce que je mérite le châtiment d'Allah si je veux me séparer de lui alors que ici il me donne aucun droit, il me nourrit même pas, il s'occupe même pas de moi, il me frappe? Et avec ça, elle patiente. Alors qu'il y a des femmes qui ont tout concernant la religion. Walakin, tellement que c'est devenu quelque chose de banal pour elles. Et comme disent les gens de science, tu ne connaîtras pas la valeur d'une chose tant que quoi? Tant que tu l'as pas perdue. Et on sait très bien quand une personne a un bienfait entre les mains, ici, et il l'a de jour comme de nuit, il le néglige, il lui donne plus aucune importance. Et je vous donne souvent l'exemple de quoi? Un exemple concret, clair, pour tous et toutes, c'est la clé. Al-miftah. Quand quelqu'un a une clé dans sa poche pour rentrer chez lui, il lui donne aucune importance. Mais le jour où il aura faim, il sera fatigué, il voudra faire une douche, et il va rentrer chez lui, à ce moment-là, quand il aura perdu sa clé, il voudra ouvrir la porte, là, il va se rappeler de la clé, du bienfait de la clé, et de l'importance de la clé. Et il va se rendre compte qu'une simple clé, c'est une ni'ma. C'est un bienfait. Une clé, c'est du hadith. Que dire d'une personne qui t'enseigne la religion? C'est pour ça que nous disons, ayyuhal ikhwat wal akhawat, la femme c'est une amana, et le principal droit qu'a la femme, c'est que le mari lui enseigne la religion. Donc tout mari qui délaisse sa femme et qui ne l'aide pas à avancer dans la religion, qu'il sache qu'il a trahi ce dépôt, wal iyadu billah, et de même pour les enfants. Et de même pour les enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, rapporté par Muslim, toute personne à qui Allah a confié une autorité, et que celui-là, il fait quoi? Il trahit. Ah, l'opposé de l'amana, c'est quoi? Trahison. Et qui trahit ceux qui sont sous son autorité, c'est quoi le résultat? Il lui sera interdit de rentrer où? Au paradis. Subhanallah. Donc les enfants, c'est une amana. Et tu n'as pas le droit de les trahir. C'est-à-dire, tu dois obligatoirement, c'est pas si tu veux, je pense, je crois, je vois. C'est obligé, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Tu dois les éduquer selon le Coran et la Sunna bi fahmi salaf al umma. Fattaqullah ma istata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez selon vos capacités. On n'a pas dit que si tes enfants sont pas purs, khalas, ira en enfer abadan. On n'a pas dit qu'ils doivent connaître le Coran al-Karim à 5 ans. Walakin, tu montres que tu et tu prouves à Allah Azza wa Jalla avant tout que tu fais des efforts, tu leur fais un programme religieux, tu ne les laisses pas regarder n'importe quoi à la télé, tu les éduques, tu leur institues, c'est quoi les règles de bienséance, le comportement. C'est pas simplement je le mets dans des cours et il apprend le Coran al-Karim. As-tu oublié le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a dit ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq. Le prophète il a dit il n'y a rien de plus lourd dans la balance au jour de la résurrection pour le croyant, dans la balance du croyant, que quoi? Le bon comportement. Et on sait très bien qu'il y a deux types de caractères. Le caractère inné et le caractère acquis. Le caractère inné et le caractère acquis. Et ici, le fait d'avoir un caractère inné, c'est meilleur pour l'être humain ou pas? C'est meilleur, pourquoi? Parce que ici, il va grandir avec des efforts à faire en moins. Contrairement à celui qui a grandi pas avec un caractère inné. Il va avoir un caractère acquis, ou du moins il va essayer d'avoir un caractère acquis. Par exemple, un petit qui a grandi avec le respect envers les personnes âgées, envers ses parents. C'est un caractère inné, on est d'accord. Donc il va grandir, c'est facile de respecter ses parents, après il n'a pas d'autre effort à faire, il a grandi avec ça. Mais un enfant qui a grandi avec une mauvaise éducation, ses parents l'insultent, lui il insulte ses parents, donc quand il grandit, il toubile Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il voit tous les versets sur les parents. Donc il est obligé d'acquérir quoi? Un caractère? Il va vers un caractère acquis. Donc là, est-ce qu'il va faire des efforts? Il est obligé de faire beaucoup d'efforts parce qu'il a grandi avec cette maladie. Donc pour se corriger, c'est dur. C'est très dur. Donc c'est pour ça que les gens de science disent, donne le maximum à ton fils quand il est enfant. Comme ça, il aura des efforts à faire en moins plus tard. Et ça sera plus facile pour lui d'adorer Allah Azza wa Jal parce qu'il va grandir avec un caractère inné. Et c'est ce qui nous est demandé. Donner le comportement et éduquer nos enfants sur le bon comportement. Dès qu'ils sont jeunes, ils vont grandir avec ce bon comportement. La générosité, des bonnes mœurs, ne pas insulter, ne pas... Dès qu'il est enfant, ça ikhlas, les bases sont solides, c'est facile pour lui après. Wallahi al-adim, il va grandir avec ce respect naturel. C'est naturel. C'est un caractère, un comportement inné. Il a grandi avec. Il a grandi avec. Contrairement à des gens qui, wallahi al-adim, parce qu'ils n'ont pas eu cette chance, quand ils sont grands et qu'ils veulent se corriger sur des choses, wallahi, même s'il fait mille efforts, quelquefois tu vois des gens, il reste beaucoup de traces du mal qu'ils ont acquis lors de leur jeunesse. Parce que c'est dur après à se réformer, surtout quand tu as fait une chose pendant 20 ans, pendant 30 ans. Il va rester souvent il reste quelques traces. Donc c'est pour ça nous disons, les bases doivent être solides. Et ton fils et ta fille, Abdallah, c'est une amana, c'est pas un jeu. Je crois, je vois que ça serait bien. Moi, mes enfants sont super bien éduqués. Pourquoi? Ils sont toujours bien habillés. Ils sont les, masha'Allah, ils sont toujours propres. Et ils sont c'est quoi? C'est Allah Azzawajal t'a dit, faites des enfants pour bien les habiller, pour qu'ils soient toujours propres. Il ouse verset coranique qu'on n'a pas trouvé. Il ouse hadith qu'on n'a pas trouvé. Il est rapporté par qui? Subhanallah, Allah Azzawajal t'a donné des enfants pourquoi? Pour les éduquer dans l'islam. Et ça, bien sûr, c'est demandé. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahirin. Ça, c'est demandé en islam. C'est la moindre des choses. Et ça, ça fait partie de l'islam. Le fait de bien éduquer tes enfants, c'est-à-dire aussi de bien les habiller. C'est pas avec la marque. Le pull il vaut 100 euros, le petit il a 3 ans. Ah mon fils, mashallah. Non, des habits propres. Ça ne veut pas dire des habits très très chers. Des habits propres, c'est-à-dire qu'il soit propre lui-même. Qu'il soit bien éduqué, qu'il soit présentable. C'est pas quand on le voit dehors, on dit « Miskin hada, Rabbil Alamin, il a dû éprouver ses parents avec le faqr, avec une pauvreté, subhanallah, inimaginable. » Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim « Wa amma bi ni'mati rabbika, fahadith. » Et concernant les bienfaits de ton Seigneur, ici, proclame-les. Donc là, proclame-les, habille bien tes enfants. Mais pas du gaspillage. Habiller bien, ça veut pas dire je lui achète des habits de marque énorme qui valent je ne sais pas combien, alors que ici je peux lui acheter un vêtement à... à 10 euros, 15 euros, ah, et lui va lui acheter quelque chose à 60 euros, 50 euros, on va où là? Quelle éducation? Déjà, tu éduques ton enfant dans quoi? Al-israf wa at-tabdhir wa al-iyadu billah. Le gaspillage, l'excès, ce qui est détesté en islam, bien plus que cela, Allah dit dans le Coran al-Karim, inna al-mubadhirina kanu ikhwan al-shayatin. Les gaspilleurs sont les frères de qui? Des anges, des shayatin, des diables. Tu habitues ton fils à être quoi? Le frère du diable. Regardez quand on voit loin avec la science, tu dis subhanallah, je crois faire le bien, je suis en train d'éduquer mon fils à être un frère de shaitan, du diable, wal'iyadu billah. Donc où sommes-nous par rapport à la bonne éducation et par rapport à cette amana ayyuhal ahibba? On ne doit pas négliger cette amana. La prière, az-zakat, tous les actes d'adoration, on est d'accord que c'est une amana. Salat al-fajr, c'est une amana. Salat al-dhuhr, c'est une amana. Tous les actes d'adoration obligatoires, c'est une amana. Ne dis pas, je fais ce que je veux, ça entre moi et moi. Abadan, c'est un dépôt. C'est un dépôt, on t'a donné la prière. Déjà, c'est un honneur. Et tu devrais remercier Allah de jour comme de nuit, et plutôt, on devrait remercier Allah de jour comme de nuit, qu'Allah Azza wa Jal nous a guidés, et qu'Allah nous a éduqués, et qu'Allah Azza wa Jal nous a donné ce grand bienfait que la majeure partie des êtres humains sur la surface de la terre n'ont pas, c'est quoi? L'islam. Déjà, c'est un honneur. Allah, il te le donne. Et tu es ingrat, tu n'es pas reconnaissant, tu négliges. Tu négliges ici cette amène à ce dépôt. Tu ne fais pas tes prières à l'heure. Az-zakat, combien de gens, billahi alaykoum, ils ne savent pas verser zakat? Pourtant, c'est un pilier de l'islam. Quand tu leur parles d'une chose surérogatoire, les aumônes surérogatoires, tout le monde connaît. C'est vrai ou pas? Tout le monde connaît. Oui, sadaqa, oui, il faut donner. Mais quand tu lui parles de l'aumône obligatoire à zakat, les règles de zakat, c'est une science. Très peu de musulmans, wallahi, quelquefois, des gens qui font la prière de Mashallah, ils vont à la mosquée. Très peu connaissent, et je pèse mes mots, les règles de zakat. Pourtant, c'est un pilier de l'islam. Celui qui délaisse zakat, il est tombé dans le kaba'ir bi ijma'il ulama wal'iyadu billah. Ça apporte un châtiment avec des serpents dans la tombe wal'iyadu billah. Ce n'est pas un jeu. Combien de gens ils sont... Zakat? C'est quoi? J'ai entendu 2, moi je donne des sadaqas, ça suffit. Tu crois que c'est un jeu? Il y a des règles. Il y a des règles dans l'islam. Tu dois apprendre ta religion, ya Abdallah. Il y a un mode d'emploi. tu donnes pas zakat comme tu veux. An-nisab, c'est quoi? Si tu as un commerce, si tu as des bêtes, si tu as de l'or, si tu as, c'est quoi? Est-ce que tu dois sortir? Est-ce que ça c'est imposable ou pas? Est-ce que tu dois sortir sur la marchandise ou alors sur les dépôts? Est-ce que, c'est des règles. Et c'est un pilier de l'islam. C'est pas n'importe quoi. C'est un pilier. Les bases, tes bases sont même pas solides. Donc ici, regardez combien de dépôts ont été trahis, ont été délaissés. Wal'iyadu billah. Wa sadaq al-habib idh yaqul. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a certes dit vrai quand il a dit, إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَ فَانْتَظِرِ السَّاعَ. Ici, quand tu verras al-amana. Et dans le hadith, ici, c'est quoi? Particulièrement les responsabilités. Mais ici, comme les gens de sens disent, c'est aussi général. Quand ici, le dépôt sera délaissé, sera trahi, sera abandonné, attends l'heure. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit que ça fait partie des signes de la fin des temps. Et فَوَرَبِّ الْكَعْبَ بِإِجْمَعِ الْعُلَمَا. Les savants, ils disent que quoi? Ce signe a déjà eu lieu. Ce signe a déjà eu lieu, il a lieu encore. On est dans ce signe. خلاص. Et la majeure partie des gens de science disent tous les petits signes de la fin des temps ont eu lieu, comme on l'a déjà dit. C'est-à-dire, les seuls signes qui peuvent venir, c'est les grands signes de la fin des temps. Ou les prochains signes qui vont venir, c'est les grands signes de la fin des temps, tout en sachant qu'il y a des petits signes qui vont revenir après. Ou alors, les autres signes qui vont venir maintenant, c'est les grands signes. Maintenant, on attend quoi? On attend Asharatu Sa'a al-Kubra, les grands signes de la fin des temps. Ton corps aussi, c'est une amana, ça on le sait. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ton corps a un droit aussi sur toi. Donc ton corps, c'est une amana. Quelqu'un qui fume la cigarette et qui nous dit, moi je fais du mal à personne, je fais du mal qu'à moi-même, on lui dit, ton corps, c'est une amana, un dépôt. Et tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec n'importe quel dépôt. Ça, c'est un dépôt. Tu rendras des comptes sur ce dépôt. Et le contraire de l'amana, c'est la trahison. Et trahir ce dépôt qui est ton corps, c'est de l'utiliser d'une façon illicite. C'est de l'utiliser d'une façon illicite. La cigarette, les drogues, l'alcool, alors qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا وَلَا تَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Allah Azza wa Jalla dit, ne vous jetez pas à la destruction par vos propres mains. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, dans un autre verset coranique, et ne tuez pas vos propres personnes, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Un frère qui te prête une voiture, c'est un dépôt ou pas? C'est un dépôt aussi. C'est un prêt. Il t'a fait confiance. Il t'a donné une chose qui ne t'appartient pas. D'accord, c'est un dépôt aussi. Ça, je donne des exemples concrets. C'est un dépôt. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le véhicule qui t'a prêté, ça reste un dépôt. Tout ce qui est dedans le véhicule, ça reste un dépôt. On est d'accord. Je vais aller très loin. À titre d'exemple. Et c'est comme ça qu'on éduque les croyants et les croyantes et les musulmans et les musulmanes et qu'on s'éduque nous-mêmes de la meilleure des façons. Faut rien négliger. Faut pas dire oui, mais là, il exagère. Parce que quand tu rentres dans les détails, et des choses qui paraissent insignifiantes aux gens, tu es strict concernant ces choses. Les choses qui sont pas insignifiantes par rapport à la majeure partie des gens, ça c'est sûr et certain que tu seras encore plus strict. C'est vrai ou pas? Donc regardons les détails pour s'éduquer et ne rien négliger. Tu as une voiture, on te la prête, c'est une amana, c'est un dépôt. Le poste radio dans la voiture, c'est une amana ou pas? On est d'accord. Donc c'est pas ton poste, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu allumes le poste radio, on est d'accord. Dedans il y a un CD. Ce qui tourne dans le poste, c'est une amana ou pas? C'est un dépôt aussi ou pas? C'est un dépôt, c'est pas ton CD. On est d'accord. Ici, c'est un CD. Un dars, par exemple. Un cours. Et la personne, elle vient, est-ce que, si on a bien compris le terme al-amana, est-ce qu'elle a droit d'enlever le CD du poste? Elle a droit ou pas? Elle n'a pas le droit. Combien de gens, ils le font? Mais si tu leur dis directement, n'enlève pas, ils vont dire, mais pourquoi? Bon, un CD, subhanallah. Mais quelqu'un qui a de la science. Et quelqu'un qui a bien compris le sujet de Al-Amana. Ça m'appartient pas, c'est un dépôt, on me l'a confié, je fais pas ce que je veux, je le trahis pas. Wallahi, même le CD, il pourra pas l'enlever. Il voudra pas l'enlever. Des gens vont dire, mais c'est pas grave, un CD enlevé. Qui te dit que le frère ne suit pas un dars, ça fait des semaines et des semaines, et il est pas arrivé avec un CD MP3 à 75 minutes, par exemple, et qu'il n'arrive pas à remettre après en arrière, il est obligé de reprendre depuis le début le dars, ça peut exister ou pas? Non. Et que toi, tu l'enlèves le dars et le frère, il revient et remet. Khalas, ils disent, oh non, 75 minutes, ce dars, je l'écoute que dans ma voiture, je suis obligé de réécouter encore 75 minutes. Ça existe ça ou pas? Ça peut exister. Et est-ce que ça peut mettre en colère la personne? Ça peut mettre. Est-ce que ça peut même dégoûter la personne de te prêter un véhicule? Ça peut. Regardez, on voit dans les détails, mais c'est une réalité. Donc, al-amana, faut pas prendre cela à la légère. Ce qui est dans la voiture, tu le respectes, même le CD, sauf avec l'autorisation de la personne. La boîte à gants, tu l'ouvres pas et tu regardes pas ce qu'il y a dedans. S'il a laissé une pochette, qui t'a dit d'aller ouvrir la pochette et regarder ce qu'il y a dedans? tu rentres dans un bureau d'une personne, il te dit vas-y khlas, tu peux rester dans ce bureau et tout, et tu commences à voir un papier, oh tu prends le papier, oh je vais lire. Qui t'a dit de le lire le papier? C'est une amana, t'as pas le droit de faire ce que tu veux. Et sinon c'est de la trahison. C'est de la trahison. Plus que cela, c'est quelque part de wala tajassasu. C'est de l'espionnage ou pas? Quelque part c'est de l'espionnage. C'est de fait de regarder une chose sans la permission de la personne, d'accord, qui est concernée. Même ça, tu n'as pas à le regarder. Tu vois qu'il y a quelque chose, khlas. On te laisse un téléphone portable à la maison. Qui t'a dit, ou quelqu'un oublie un téléphone portable à la maison chez toi? Qui t'a dit d'aller regarder les messages, regarder le lexique, etc. Combien de problèmes on a eu comme ça? Des gens qui posent la question. Oui, moi je rentre dans le téléphone portable de mon mari, ou le mari. Moi je prends le téléphone portable de ma femme, et je regarde tout ce qu'il y a dedans, et je recherche les messages, et j'ai vu un message, rendez-vous à 16h, ma femme elle me trompe. Qui t'a dit déjà d'aller regarder son téléphone? Mais il rentrait dans le wasser, oui, dans les suggestions sataniques. Ça c'est un dépôt. Tu ne fais pas ce que tu veux avec ce dépôt. Un téléphone, c'est un téléphone. Il y a écrit ton nom, non, c'est à toi. Non, c'est une amana, c'est un dépôt. On t'a fait confiance, tu n'as pas droit de trahir la confiance des gens. Le dépôt des gens, c'est le portable à ton mari, c'est le portable à ta femme. Tu fais pas ce que tu vas rentrer dans les messages, à lire ce que... Tu n'as pas le droit. Regardez les numéros de téléphone, wal'iyadu billah. Combien de divorces ont eu lieu à cause de ça? Elle rentre dans mon téléphone, elle surveille. Oui, mais j'ai vu ça. Qui t'a dit de voir? T'aurais pas vu, ba'da, c'est entre lui et Allah. T'aurais préservé ton couple et tes enfants. Toi, tu vas chercher où il faut pas chercher, bah, assume tes responsabilités. Subhanallah. Même si ton mari a fait un péché, on ne cautionne pas. Walakin, est-ce que toi, ajdak fait le péché? C'est entre lui et Allah. Tu n'aurais pas regardé le téléphone, il n'y aurait pas eu de conflit, t'aurais préservé ton couple et tes enfants. Il y avait un plus grand mal dans le fait de regarder le message que de pas regarder. Tais-toi et occupe de toi. Occupe-toi de toi ici. Maintenant, les gens rentrent dans les portables d'un tel, dans les ceci, et on rentre et l'espionnage, et on écoute, et on... Subhanallah. Alors qu'Allah dit clairement dans le Coran, « Wa la tajassasu » Et n'espionnez pas. C'est de l'espionnage, et tout ce qu'on te donne à ta portée qui ne t'appartient pas, c'est un dépôt. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu demandes l'autorisation. Est-ce que tu me prêtes ton téléphone? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ceci? Est-ce que... Même, je vais aller même moi. Même il y a de la nourriture dans une voiture. Et on te prête la voiture. Qui t'a dit d'aller manger? Bien sûr, entre frères, faut pas après exagérer. Oui, t'as mangé 2 chips dans le paquet de chips dans ma voiture. Moi, je te parle plus, c'est une amana. Oh, faut pas rentrer dans l'excès. Walakin, c'est une, par question d'éducation. Comme je vous ai dit, quand on va mettre l'accent sur des détails, qui réellement ne sont pas des détails, car il n'y a pas de détails dans la religion, tout est important. Mais des choses qui nous paraissent être comme des détails, les choses claires, wallahi al-adim, on va être quoi? Strict dans nos devoirs envers Allah Azza wa Jal. Et Allah dit dans le Coran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ. C'est Allah qui le dit. Soyez ici strict dans vos engagements envers qui? Envers Allah. Et c'est ce qui nous est demandé. Si des choses qui nous paraissent être des détails, on est strict, on rigole pas. Ou une kalima, on lui donne de l'importance. C'est-à-dire qu'on sait que chaque parole qu'on sort au nom de la religion, sur le prophète, sur Allah, on la mesure, on la pèse. On sait ce qu'elle vaut, on sait qu'on rendra des comptes au jour de la résurrection, car Allah dit dans le Coran al-Karim, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Certes, l'ouïe, ici la vue et le cœur, sur tout ça on rendra des comptes, on sera interrogé. La personne khlas, elle va parler avec quoi? Avec droiture. Elle va agir avec droiture. Elle va réagir avec droiture. Et maintenant on voit que c'est devenu un jeu. Même les paroles sur la religion. Et tu vois des gens qui parlent de la religion et qui rentrent dans des fatawas et qui, des femmes ou alors des hommes ou alors des nouveaux dans la religion. Non, mais ça c'est pas bien. Moi je crois que je vois que c'est mieux. Ouais, mais on se laisse tous aller. Mais on a oublié que ça, même la parole, c'est une amana. Al-kalima, amana, wa hadha bi ijma'il ulama. C'est l'unanimité des savants. La parole, ici, quand tu donnes la parole, quand tu parles sur la religion, c'est un dépôt. On est d'accord, c'est un dépôt. Donc ne dis pas n'importe quoi et assume tes responsabilités. Après, si tu dis des choses qu'il ne fallait pas dire. Tout ceci fait partie de quoi? De Al-Amana. Et bien sûr, l'argent, c'est un dépôt aussi. Ça, on en revient à l'argent. Parce que les gens, comme je vous ai dit précédemment, et dans plusieurs cours, les gens pensent que l'Amana, simplement, on donne une somme d'argent, tu la gardes. Ça fait partie de l'Amana. Na'am, on te donne 50 euros, 30 euros, 10 euros, on te confie une responsabilité par rapport à l'argent, tu gardes cet argent, c'est un dépôt, et tu l'assumes. Tu n'as pas le droit d'aller prendre les 50 euros, dire, ah bah tiens, je vais aller les gaspiller, et après je lui rendrai. Ah ben, c'est un dépôt, tu gardes cet argent. Sauf si tu appelles les Akhil Habib, est-ce que moi je peux utiliser tes 50 euros, mais je suis sûr de te les rendre? Il dit oui, oui. Sinon, c'est un amana. Tu gardes les 50 euros, c'est 50 euros. Tu gardes l'argent des musulmans, tu fais pas ce que tu veux avec l'argent des musulmans. L'argent, c'est des musulmans, c'est des musulmans. C'est une amana, c'est un dépôt. C'est pour ça, jusqu'à ce que les gens de science ont dit à titre d'exemple. Quelqu'un même, yani qui à la base, à titre d'exemple, il achète une chose pour une mosquée. D'accord? Il dépense de l'argent pour une mosquée. Il achète un Coran, le Coran par exemple, à titre d'exemple pour une mosquée, ou un livre de hadith pour une mosquée. Kitab, ay kitab yani. Il le pose à la mosquée. Et ici, quelqu'un va dire, bon, khlas, je prends ce livre et je vais le donner à quelqu'un qui rentre dans la religion. Est-ce qu'il peut ou pas? Il peut pas. C'est une amana, c'est qu'elle, t'as la responsabilité de gérer cet endroit-là. Et ici, on t'a confié ce dépôt, c'est-à-dire ce livre de Coran ou ce livre de hadith dans la mosquée. Si la personne, elle a calculé son coût. Parce qu'il faut être un certain technicien même dans la religion pour empocher un maximum de hasanat. C'est à toi de faire des efforts. Dire, je vais acheter un livre de Coran, je vais le poser à la mosquée, je sais que bi'idnillah, pendant 5 ans, 10 ans, 100 ans, des gens vont le lire, peut-être des gens vont pleurer, peut-être des gens vont apprendre le Coran ou des versets coraniques par cœur avec ce livre, etc. Donc il l'a mis dans la mosquée, pas ailleurs, parce qu'il voulait empocher un maximum de hasanat. Qui t'a dit d'aller le donner à quelqu'un d'autre? C'est pour la mosquée. Tant que tu n'as pas eu la permission de celui qui l'a donné de le donner à quelqu'un d'autre, tu le laisses à la mosquée. Parce que c'est une amana. Quelqu'un qui achète un kamis à la mosquée. Toi, tu le prends, tu dis, oh, je vais le donner à quelqu'un, fisabilla. Qui t'a dit d'aller le donner? On l'a laissé à la mosquée, tu le laisses à la mosquée. Les gens veulent prendre la récompense à travers les prières qu'ils vont mettre sur kamis. Donc c'est une amana. À titre d'exemple. Tout ceci est une amana, ayyuhal ahibba, ou fait partie de ce terme, al-amana. Et quand al-amana va disparaître, attends l'heure, et certes, al-amana, de façon générale, on dit, elle a été délaissée et elle a été négligée. C'est pour ça que ça fait partie des petits signes de la fin des temps qui a déjà eu lieu et qu'on est en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, bihaoulillah azza wa jal, on parlera d'un autre signe qui fait partie des signes de la fin des temps. Dans les détails, comme j'ai dit, je répète, ça nous intéresse peu de citer les signes de la fin des temps tout simplement, mais on est en train d'étudier chaque signe qui fait partie des signes de la fin des temps afin de méditer comme il se doit sur ces signes et, incha'Allah ta'ala, de ne pas se faire avoir par shaitan ou par l'insouciance ou la négligence ou l'iyadu billah. La semaine prochaine, on traitera bihaoulillah azza wa jal, ce signe qui concerne al-ilm. Al-ilm, la science qui va disparaître et l'ignorance qui va prendre le dessus sur la science ou l'iyadu billah. Et il a déjà eu lieu ce signe et on le vit au jour d'aujourd'hui. Ce signe-là, qui fait partie des signes de la fin des temps, le traitera bihaoulillahi azza wa jal la semaine prochaine. Wa barakallahu fina wa fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.